Bon, alors maintenant, si on parlait un petit peu du courrier, parce que là, ça commence à me l'ébrouter. Sérieusement, alors, on va commencer. Devant le micro, s'il te plaît, pour la 150 milliardième de fois. Ben voilà, je suis devant le micro. Donc, on va commencer par un dénommé Chaperon Rouge, qui habite soi-disant Vincennes. Hein? Et qui envoie des lettres de la Courneuve. Alors, qui dit que se doit 4596 francs. Alors, les 4596 francs, toi, mon gamin, je sais pas quel est-ce que t'as. Si t'as 15-13 ans, eh ben tu demanderas à maman qu'elle te redonne. Parce que c'est pas moi qui vais te les payer. D'accord? Donc, pour celle-là, pareil. Alors, de l'autre côté, alors là, je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, Françoise. Ouais, alors là. Alors, attends. Si, Non, tu permets. Alors, si, quoi? Si des fois on pouvait avoir Françoise. Non, on l'aura pas, elle dort là, on va pas la déranger. Elle dort, eh ben c'est dommage. Parce qu'après elle va croire qu'encore tu l'as fait exprès de la réveiller en pleine nuit comme ça. Non, parce que c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, Lady? Non, parce que c'est bizarre. Bon, attends, je vais dire des torchons comme ça. Il paraît que je t'insulte sur toutes les radios. C'est-à-dire, bon, pour pas. Oh, puis même, maintenant, comme on en est, comme on y est, comme tout le monde te l'a dit, donc je t'insulte sur Sky. Sur RTL, sur RMC et autres. Alors, je vais te dire une chose, Françoise, tu vois. On a même entendu sur Nostalgie. Oui. Donc, tu vois, je vais te dire une chose. Il est 0h51, et pile. Secondes. Hein. Et pour l'instant, je me prends la tête avec les gens qui m'envoient du courrier en me disant comme quoi que je t'insulte. Donc, ne crois pas que je t'insulte, au contraire. Alors, je voudrais bien savoir les gens qui s'amusent à faire ça. Donc, si c'est un dénommé Tony ou soi-disant Jean-Philippe, tu me le dis. D'accord, Françoise? Alors, j'attends ta réponse mardi. Voilà. Ensuite. Après, on va continuer avec un dénommé œil de lynx et fesses de babouin. Encore? Là, on peut le montrer. Non. Ouais. Là, on peut continuer. Donc, œil de lynx, fesses de babouin. Le 1er décembre, ta revue, je m'en bats les coucouillettes. OK? Parce que là, dans ma boîte aux lettres, je commence à en avoir ras-le-bol. Hein? Dans les cabines téléphoniques, c'est pareil. Alors, si tu continues, je sais à peu près qui t'es. Voilà. Alors dans ce cas-là, t'appelles la radio et tu dis ce que t'as à dire. Alors, avec ce mois-ci, le supplément en pantou, tout sur la vie de Gérard, une interview exclusive de Françoise, des conseils de drague de Gérard, des blagues inédites, une interview, etc. Bienvenue de meilleurs amis, les rubriques habituelles. Tous les renseignements, 36 KGG, 8 francs 40 la minute. Œil de lynx et fesses de babouin. Tiens, voilà. Tu prends ça, ouais. Tu continues, parce que ça vient à peu près de... Ça vient à peu près pareil. Alors ça aussi. Hein. Alors là, je commence à avoir ras-le-bol. Alors là, ça c'est dans ma boîte aux lettres que je reçois ça. Carrément. Alors ça c'est un truc qu'on a reçu dans la boîte. Non. Mais attends Max, tu rigoles. Mais là c'est moi. Alors celui qui s'amuse à donner mon adresse, je le préviens. C'est clair. Ça va aller vite. Hein? Non. On rigole pas. Yeah. Non, tu rigoles pas, s'il te plaît. Là, j'en ai rien à foutre. Hé, hey, tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux. Non, mais marre-toi. Ah ben, dans ce cas-là, tu te débrouilles. Non, y'a pas à se marrer là-dessus. Ok? Alors, tiens. Attends, hé, hey, oh, moi, je suis gentil. T'as vu tout ce que je reçois dans ma boîte aux lettres? Ah ouais, d'accord. Hein? Ce que je reçois à l'antenne? France Télécom va commencer. Non, il faut pas déconner. Non, mais là. Non, pas ça. Ah non, l'autre, d'accord, ok, ouais. Non, mais j'ai bien vu. Non, ça c'est des mots. Non. Ah, les magazines. Ah oui, les magazines, d'accord, ok. Attends, non, faut pas rigoler là. France Télécom va commercialiser un portable à l'effigie du logo de Gérard de Suresnes. Il sera en forme de tongue. Non, mais là, attends, moi je rigole pas. Eh, tu veux que je fasse le débat ou pas? Mais ce qui ferait le charme de ce portable, c'est qu'en même temps, qu'il sonne, diffusera une odeur parfumée. Bon, allez hop. Le casque. Le casque. Attends. Hé, je veux bien continuer avec le casque. Monsieur, tu te marres pas. Monsieur, là, c'est des conneries. D'accord. Ok. Alors. Hé, non. Non, non, tu vas te marrer derrière. Et l'autre. Non, hé, dégage-toi avec ta caméra, tu m'énerves pas. Ok. Tu te casses. Écoute. Mais c'est rigolo. Non. Écoute-moi. Non. Toi, pour toi, c'est rigolo, pas pour moi. Non, c'est un fait divers. Non. Moi, le fait divers, je m'en fous. C'est en rapport avec ton sujet sur les téléphones portables. Lis ce que je t'ai donné, là. Là, je lis ça. Écoute, France Télécom va commercialiser un portable à l'effigie du logo de Gérard de Suresnes. Il sera en forme de tongue. Mais ce qui fera le charme de ce portable, c'est qu'en même temps, quand il sonne, il diffusera l'odeur de pied. Et lorsque votre correspondant parlera, vous pourrez sentir l'haleine de Ricard et de bière mélangée. France Télécom assure et certifie que les sensations odorants ont été prélevées directement sur Gérard Suresnes. Alors moi maintenant, je vais te demander quoi. Une chose. Ouais. Maintenant, tu vas lire. Parce que la semaine dernière. Non, mais ça, tu es sommé maintenant. Après, ça, c'est de l'envie. Non, ça, c'est autre chose. Ça. Ah bon, d'accord. Non, mais ça, c'est de maintenant. D'accord, ok. Alors, oui, ça va. Non, t'as du courrier quand même de la semaine dernière que t'as pas fait vendredi. Ouais. Alors, je sais pas où il est parti. Il est là. À mon avis, tu l'as mis à la poubelle. Non. Grande soirée sodomie, organisée par Gérard de Suresnes. Non, ça c'est cette semaine. D'accord. Non, mais vendredi. Non, je sais plus où c'est. Ah, voilà. Non, je sais plus où je l'ai mis, mais il y a le nouveau MOMAC quand même. Non, mais attends. Attends, parce que là, faut quand même pas. Oh. Ah bon? Ah carrément les mecs, mais ils continuent, ils s'amusent avec ça, mais qui s'amuse, qui rigole, rira bien qui rira. On va rigoler. Ouais, on va rigoler les mecs, parce que là il va y avoir un ultimatum. Un café. Un café par l'air. Oh là. Ah ouais, mais du PQ là. Non mais attendez, de quoi? Bon allez, tu me fous la paix toi avec ta caméra, d'accord? Bon, l'alligator a frappé sur la tête. L'alligator, tu as bouffé ton couscous, allez hop. Ouais. Non. Tu dégages, c'est pas le moment ce soir. Non, c'est bon en plus. Ok. Non, ce soir. Arrête. Non, parce que moi le courrier, j'en ai ras-le-bol. Ouais. Regarde la merde que t'as foutu, putain. Hein? Attends, faut nettoyer sinon. Ouais, ça. T'as renversé le café, bah t'auras plus de café là, c'est bon. Hein. On verra. Attends, mais laisse-le travailler au moins, laisse-le, tu fais ta merde. Non, attends, toi, déjà au standard, tu as travaillé ce soir. Sinon, j'appelle Karine. Voilà. Si Karine n'est pas là, je prends quelqu'un d'autre à sa place. On l'appellera chez elle viendra, tu sais, elle habite à quoi? À 1h30 de route d'ici. Oh, tu dégages pas, d'accord? Je suis pas empêlé avec toi, ok? T'es prévenu hier. Non, mais tu me le fais pas une deuxième. Il y a l'alligator qui a mis une main au cul à Gérard, et Gérard nous dit qu'il était pas empêlé. Voilà, donc, ok? On est clair. Non, mais attends. Non, te marre pas. Allez, Gérard, assis-toi. On va se concentrer. Non, et là par contre, je te demanderai d'être très tacable, parce que là, on va lire un truc qui est très très sérieux. Suite à tout ça, Gérard a donc décidé. Alors maintenant, écoutez-moi. Moi, je vous avertis. Mais là, je fais comme ça. Je fais comme ça. Oh pif. Je vais prendre le bloc. Écoutez-moi. Le bloc, il y a du café dessus. Alors, je préviens, toute personne. C'est parti là ou pas? On recommence, vas-y, excuse-moi. Je préviens toute personne. Attends, excuse-moi, là c'est l'ultime. Attends, est-ce qu'il y a des gens sur le digital, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais de toute manière, sur mes digital, ils commencent à me les gonfler. Non, ils demandent qu'est-ce qui se passe là. Ils disent, ouais, Gérard s'énerve et tout, on vient d'arriver, ça sent le gaz, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ouais, ça sent le gaz. Non, Alors, faites-moi chier comme la semaine dernière. Non. On va rigoler. Ultimatum, c'est parti. Je préviens toute personne. Tout courrier que je reçois. Sans preuve, même photocopie, ira à la poubelle. Alors, une chose, ou vous envoyez les preuves réelles au 143 avenue Charles de Gaulle, 143 à Fun Radio, 143 avenue Charles de Gaulle, 92 521 Neuilly-Sedex, vous envoyez des preuves écrites, même... Si vous avez entendu dire que comme quoi que j'ai insulté Françoise sur d'autres radios, vous essayez de reconnaître ma voix. Une, ça c'est la première. Deux, je préviens d'une autre personne qui s'amuse à m'envoyer du courrier pourri chez moi. ça ne sert à rien. Parce que tout courrier pourri sera sanctionné. Et je garderai les enveloppes avec les timbres. Cela, j'ai reçu 3 enveloppes. 5 minutes, s'il vous plaît. J'ai reçu 3 enveloppes datées du même jour avec des conneries. Si on pouvait les faire voir le fameux classeur, on vous fera voir les classeurs sur Fun TV. D'autre part, celui qui a été dire comme quoi tu me connaissais à Suresnes et qui avait donné mon adresse à tout le monde, habitant plutôt, bah si t'as des couilles au cul, mon pote, toi, avant que je commence mon débat, si t'as des couilles au cul, t'appelles et on règle ça en direct. Oh, alors, maintenant, je vous préviens, si on est le... combien aujourd'hui? Le 14. On est le 14 novembre, si fin décembre, même pas fin décembre, j'étais encore trop généreux avec eux fin décembre, je préviens, si la semaine prochaine, rien n'est réglé, si je reçois encore des saloperies, parce que je viendrai tous les soirs chercher mon courrier, si je reçois des saloperies, eh ben, je vous dirai une chose, que tous les débats seront annulés, il n'y aura aucun poète, et Rodez, je n'irai pas. Bravo! Alors, avis aux amateurs, continuez, et vous allez voir comment qu'on va faire. Ça se terminera au tribunal et ça vous coûtera plus cher que moi. Bravo! Ok, alors on met un disque, je vous retrouve après pour le premier débat sur les portables. Voilà, juste oui. Le temps que je vois, il y a à peu près le courrier que j'ai reçu. Donc, si vous pouvez continuer, parce que comme on y est, donc tu vas lire le fameux magazine. Tu vas lire le fameux magazine que tu as en ta possession, Max. Et puis le courrier. Donc tu me diras... Non, mais tu vas le lire au lieu d'applaudir. Bravo! Tu vas le lire. Bravo! Bon, maintenant, je vous préviens. Bravo! Ouais. Bravo! Bravo! Je vous préviens, c'est la dernière fois que je paie. Parce que ça commence à bien faire. Hein? Oh ben non, Jean-Dor, salut. Salut. À bientôt, pour les débats. À bientôt, Gérard, tu vas nous manquer. Bravo, Gérard, tu vas nous manquer. Donc, Gérard, qui nous quitte ce soir, apparemment. Je vous quitte après les débats. Tiens, non, mais attends, tu te débrouilles. Attends, Alors, par contre... Il y a un truc qui t'a pas fait plaisir, c'est ça? C'est ça, si je pouvais avoir c'est une bon, caméra... Bon, ça va passer, mais dis-le, ça va passer en même temps. Alors, Gay, magazine, novembre 97, les confidentiels de Christine, tout ce que vous voulez savoir sur Carole, Gérard à la loco... Il y a un exemple pour voir le torchon que c'est, par exemple, sur Chris, le premier truc, voilà ça, alors, que vous avez pris non, sinon... Alors, les confidentiels de Christine, bonjour Christine. Alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie... Attendez, je reprends. GG Mag, bonjour Christine. Alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie de Gérard? Alors, Christine X... Ah, pardon. Christine X répond. Eh bien, tout d'abord, je précisais que Gérard est homo. Bravo. Merci Christine. Bravo. Ce qui est... Attendez. On se calme dans le studio, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas toujours été très facile pour moi. C'est-à-dire que le soir, il allait se faire défoncer à la loco dans les chiottes. Bravo. Alors, je vais te dire une chose. Bravo Christine. Bravo. Tiens. Alors, là, tu te démerdes, tu continues. Je m'amuse pas comme ça. Ok? Alors maintenant, les mecs, toi, ce soir, je travaille, ma gueule malin. Le premier qui me fait chier, ça vire. Ok. Bravo! Je suis un premier, sinon, pour quelqu'un d'autre à cette place. Gérard, ok, Gérard, maintenant je remets à l'autre pour quelqu'un du monde. Gérard, attendez, attendez, il y a encore autre chose qui m'est parvenue. Petites annonces, poubelle. Ouais.